j'étais très sérieux avec le ministre Bachand hier. Un parti qui viendrait me dire, par exemple, on va pénaliser les BS aptes au travail en coupant leur chèque après X nombre d'années. Ouais. J'aime ça, ça se peut, je vote juste pour ça. C'est un des problèmes, OK, au Québec. C'est, ça fait partie d'un ensemble de problèmes. Mais moi, je trouve qu'un gouvernement qui me promettrait ça, m'enverrait le message d'un parti, d'un gouvernement qui veut être responsable, qui veut adopter une attitude responsable par rapport aux finances publiques. Un parti qui me dirait aussi, fini les loteries, puis l'alcool, puis le luxe avec les chèques d'assistance sociale. J'aime ça. Puis c'est là que des gens hier m'ont envoyé des messages Facebook, une affiche particulière aussi. Cette affiche-là que vous avez peut-être vue ou peut-être pas vue, qui roule depuis hier sur Facebook, on vient de la mettre en lien, le www.radiox.com. Véro vous a placé ça dans les dernières minutes. Cette affiche-là, est-ce qu'elle est seulement sur Internet ou est-ce qu'elle est affichée à Montréal, sur les rues, sur les routes? Moi, je l'ai pas vue dans la rue. S'il y en a qui l'ont vue sur la rue, faites-nous signe, là. Moi, je l'ai pas vue dans la rue. Fais-nous ce que mon père faisait quand j'étais tout petit, puis qu'il me racontait une histoire, puis qu'il me décrivait tout. Pour ceux qui l'ont pas vue, décris-nous exactement ce qu'il y a décrit, puis ce qu'on voit sur l'image. On illustre, c'est la photo d'un BS, et c'est la caricature parfaite d'un bien-être social apte au travail qui rit des travailleurs. Ailleurs. Tu sais, pensez dans votre tête à quoi vous pensez, puis je l'ai déjà dit comme ça en ondes. Quand on pense à un BS apte au travail qui rit des travailleurs, on l'imagine comment? On l'imagine assis sur son terrain, en train de prendre une grosse bière et qui salue le travailleur qui marche avec sa boîte à lunch dans la rue qui revient de travailler. Est-ce que tu me confirmes qu'il est assis sur ce qu'on appelle un casseau de berlingot de lait? ça ressemble un peu à ça. Je sais pas exactement sur quoi il est assis. Son chandail est plein de trous pis il est pas propre. Il a une calotte. Oui. Et il a une grosse bouteille de 1,18 litres de bière. Dans les mains. Et, là, il est assis sur son terrain. Il y a des vidanges, il y a des corps morts de bière sur son terrain devant lui. Oui. Le BS, on le voit de dos, puis dans la rue, on voit un travailleur avec sa boîte à l'homme qui le regarde. Marche dans la rue, qui le regarde. Pendant que le BS, il a sa bouteille dans les airs, puis il a de l'air à y porter un toast. C'est ça. Va travailler, gagner mon argent. C'est ça. C'est exactement la caricature qu'on fait habituellement d'un BS apte au travail. Qu'est-ce qu'il y a décrit sur la pancarte? L'aide sociale devrait être une aide temporaire et non un plan de carrière. Et là, on rappelle des chiffres qui sont tout à fait vrais. Tout à fait vrais. Au Québec, plus de 135 000 personnes aptes au travail reçoivent un chèque d'assistance sociale depuis plus de 10 ans en moyenne et ils vous disent merci. Pour le PQ, le PLQ, la CAQ et Québec solidaire, aucune proposition afin d'amener cette partie de la population à participer au développement économique de notre province. Il n'y a pas tort, là. Je suis pas un fan de Luc Harvey, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je suis pas un fan du Parti conservateur du Québec. Ils ont pas réussi à me convaincre qu'ils étaient crédibles. Ils ont pas réussi à me faire cette preuve-là. Bon, vois-tu, on s'en est pas parlé, puis on se retrouve exactement dans la même position. Moi, j'haïs pas l'idée d'un Parti conservateur du Québec, mais pas avec les gens qui sont en place présentement. Ça. J'ai même peur qu'ils brûlent la marque, entre guillemets. C'est peut-être un peu déjà fait, d'ailleurs. Là. Ouais. Là, ils écrivent dans le bas de la pancarte. Ils ont raison encore. Pour le Parti conservateur, l'aide sociale ne devrait pas être un plan de carrière. Selon nous, la lutte à la pauvreté ne se gagnera pas avec un chèque du gouvernement. Nous proposons de limiter l'aide à une période de 5 années dans toute une vie. Il n'y a plus d'argent gratuit. Un programme de formation obligatoire sera mis en place. Si la personne a de la difficulté à garder son emploi, elle sera invitée à travailler par des organismes communautaires. Je suis d'accord avec tout ce qu'il y a décrit sur la pancarte. Par contre, l'image, là, on a manqué notre coup un peu. C'est trop. C'est trop. C'est la caricature. C'est une caricature faite avec du vrai monde. C'est pas un dessin, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est que... Quand on parle des BS, on se fait reprocher, à tort, de créer cette image-là. Il y en a qui ont essayé là, de nous mettre dans le trouble, là, des porte-paroles de BS puis tout ça, là, des gens qui ont beaucoup de temps. Et d'ailleurs, qui ont été revirés de bord. Ils ont été revirés dans le short. Mais la cité sociale, le problème, puis je vous l'ai raconté hier, puis je le fais là en toute candeur. Tu sais, vous savez, ici, là, on n'essaye pas de passer pour des super-héros puis des donneurs de leçons. On a des gros défauts. On a des problèmes à régler comme tout le monde. Puis moi, j'ai pas travaillé de l'été. J'ai eu de la misère en tabarnouche à revenir travailler. Pourquoi? Parce que semaine après semaine, tu deviens de plus en plus lâche. On est bien à rien faire. On est bien à rien faire. Puis plus on fait rien, moins on a le goût de faire de quoi. Je l'ai vécu en l'espace de quelques semaines cet été. Mon gazon était long. Je trouvais plein d'excuses pour pas aller le tondre. Au début de l'été, ça allait bien. Mais rien que ça à faire. Bon, on se lève, on allait tondre le gazon, faire du jogging un peu, faire un peu d'exercice, faire marcher le chien, aller se promener, faire les commissions, revenir à la maison, se préparer un bon repas santé, puis après ça, se coucher pas trop tard. Première semaine de vacances. Ouais. Deuxième semaine de vacances. Oh, le gazon est long. Ouais. Je suis levé à 10h30. J'ai pris quelques bières de trop la veille. Ouf, ouais. Ouais. Il me semble que non. Il me semble que ça me tente pas. Il me semble que je prendrais ma première petite bière à 11h. Ouais. Il y a du ménage à faire. J'ai des rénaux à faire. Faut que je fasse du ciment pour le devant de la rivière. Puis faut que je répare ma tripe. Ma grosse tripe gonflable est brisée. Faut que je trouve des patchs. Faut que j'aille chercher ça. Puis là, ça s'accumule. Puis tu fais plus rien. Pourquoi? Parce que tu fais plus rien. L'être humain est fait comme ça. Puis même l'animal est fait comme ça. Arrêtez de prendre votre marche avec votre chien pendant 2 semaines. Mm-hmm. Puis après ça, remettez à l'aise autour du cou. Vous allez voir qu'il est dur à lever, le gros molosse. C'est sûr, c'est sûr. La nature humaine et animale est faite comme ça. Plus tu fais rien, moins t'as le goût de faire quelque chose. Le problème visuel de cette image-là, c'est qu'on nous donne l'impression que le BS, là, il est né de même, puis il est de même. Tu sais? Il a arrêté de travailler parce qu'il était pas propre, puis il a arrêté de travailler parce que son chandail il y a des trous, puis ça n'engagerait plus. Lui, celui qu'on voit, ça fait jamais de la vie. Jamais de la vie. Le problème, c'est que un être humain qui ne travaille pas devient graduellement comme ça. L'image, elle est trop forte. Il y a pas assez d'explications autour. C'est plus nuancé que ça. C'est ça l'affaire. Ouais. Tout ce que ça va faire, là, cette image-là, là, c'est que les gens qui défendent les assistés sociaux, puis les gens qui les défendent, ils vont pogner une aire, puis ils vont balayer une alternative du revers de la main, alors que le propos de base, il est intelligent. Celui de dire, on donne trop d'argent à nos assistés sociaux, on donne trop de chance à nos assistés sociaux, et en faisant ces deux choses-là, on n'aide pas le prestataire d'aide sociale. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est un sujet qui est complètement évacué de la campagne électorale. Tu sais, on a été les seuls. Y a-tu quelqu'un d'autre à part nous autres ici à l'antenne qui a parlé de ça au ministre des Finances depuis le début de la campagne électorale? Puis, y a pas de questions soulevées sur cette problématique-là. Puis, non. Les politiciens, eux autres, là, si t'es envoyé pas ces terrains glissants, c'est sûr qu'ils iront pas eux autres-mêmes. Ils iront pas. Alors que c'est quand même un sujet important. Ben oui. Tu sais, y a d'autres choses d'important dans cette campagne électorale. Il y a d'autres dossiers reliés aux finances publiques qui sont importants aussi, mais c'en est un, c'est un dossier important. Pourquoi personne qui parle de ça? Une réforme du BS, une réforme de l'assistance sociale, comme il s'est fait ailleurs, aux États-Unis, dans l'État de New York, dans le Massachusetts aussi, il y a eu des réformes de l'aide sociale où on dit c'est fini, tu t'achèteras plus de loterie avec ton chèque de bien-être social, tu t'achèteras plus de boisson puis d'alcool avec ton chèque de bien-être social. Pourquoi ça fait pas partie du débat au Québec, ça? Alors que, effectivement, il y a plusieurs années, puis on s'en souvient parce qu'on en avait parlé avec le ministre de l'époque, un certain Sam Hamad. Oui. Il y avait une volonté, à une certaine époque, de ramener des assistés sociaux sur le marché du travail avec un paquet de mesures. On voulait en ramener 5000 sur le marché du travail. Vous vous souvenez-vous si ça a marché? Je peux vous le dire, moi. Ça a pas marché. Ça a été un flop. Pourquoi? Parce que pour ramener quelqu'un qui ne travaille pas depuis des années sur le marché du travail, ça prend du punitif. Ce qu'on appelle du punitif. Puis c'est le mot qu'a utilisé le ministre Bachand hier quand tu l'as envoyé dans le coin, Jérôme, puis que t'as dit, il faut serrer la vis au BS. Il dit non, on veut pas faire de punitif. C'est le seul moyen pour aller chercher quelqu'un qui a perdu l'envie de travailler et de gagner sa vie. La personne qui est sur la pancarte du Parti conservateur, allez la voir là au www.radiox.com. Cette personne-là n'est pas née comme ça. Elle a pas perdu son emploi comme ça. Elle est devenue comme ça après 11 ans sur le BS. Pas par sa faute à lui. Pis c'est souvent ça le problème qu'on a quand on parle des assistés sociaux. C'est qu'on est en crise après eux autres. C'est ça. On devrait être en crise après Nous autres, c'est notre faute. Notre système crée ces gens-là. Notre système crée cette paresse-là, cette lâcherie-là, cette lâcheté-là. On le tolère. Exact. Avec un deadline sur un chèque de BS, ça force quelqu'un à retourner travailler. Pourquoi? Parce qu'il en aura pas d'autres, des alternatives. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Puis en limitant ce qu'on va appeler ses excès. Moi, ton histoire de coupons, là, j'embarque là-dedans. Ouais, mais semble que t'es sur le BS, pas. T'achètes pas de loterie pis t'achètes pas de boisson. C'est raisonnable de demander ça. C'est raisonnable, ça. Mais c'est, tu sais quoi, le problème? C'est que, premièrement, à Montréal, saviez-vous ça qu'il y a plus de 1000 organismes communautaires qui défendent les droits de toutes ces minorités-là? Et parmi tout ça, ceux qui sont les plus forts et ceux qui font le plus de lobby et ceux qui sont les premiers à se plaindre des médias, entre autres, c'est les assistés sociaux, qui sont les plus actifs. Les groupes de défense des assistés sociaux sont les plus actifs quand vient le temps de mettre de la pression, de se plaindre de ce qui se dit dans les médias. Rappelle-toi sa mamade quand il a fait une sortie à une journal de Québec, là. Ben oui. Ah, il était allé un peu loin, là, selon ben, les... Il avait utilisé l'expression « les BS ». C'est ça. Te souviens-tu? Ça. Moi, j'ai juste le goût d'y faire des high-five à Sam Ahmad quand je le vois, parce que je me rappelle encore de ça. Mais lui, il a payé le prix en tabarouette, là. Ouais. Il a été exclu du cabinet, du Conseil des ministres, pendant quelques années à cause de ça, suite à cette déclaration-là. On s'en rappelle moins, mais Sam Ahmad a été simple député pendant quelques années, là, dans les dernières années, avant de revenir graduellement, devenir ministre de la région de Québec, puis il est allé au transport après. Il était en punition longtemps parce qu'il avait osé remettre en question le confort des BS, tu sais. Mais il me semble que c'est raisonnable de dire... C'est fini le 649 puis la loterie avec vos chèques de bien-être social, tu sais. Je suis prêt, moi, à monter la prestation mensuelle d'aide sociale. À monter ça pour dire qu'après 5 ans, il n'y en a plus. Ben oui. C'est une aide dont plusieurs personnes peuvent avoir besoin. Vous allez peut-être arriver à un moment donné dans votre vie que vous allez perdre une job puis qu'il n'y en aura pas d'autre. Vous allez peut-être avoir besoin puis vous allez piler sur votre orgueil parce que c'est pas facile. Ça va pas être facile, là. D'aller demander du BS puis d'aller recevoir le chèque. Puis d'ailleurs, moi, je fais une distinction, hein. Un assisté social, c'est quelqu'un qui reçoit un chèque d'aide sociale parce qu'il est dans le trouble. Un BS, c'est un gars qui a abandonné. C'est ça, c'est un gars qui en fait une carrière. Moi aussi, je le fais à distinction. Un assisté social, ben, c'est ça. Puis moi, je suis prêt à les augmenter, les chèques de ceux qui en ont besoin. On va les augmenter. Allons chercher des montants sur ceux qui abusent du système. Augmentons les chèques de ceux qui en ont besoin. Pourquoi ce deal-là, vous le voulez pas? Pourquoi les groupes de défense des assistés sociaux, ils veulent pas entendre parler de ce deal-là qu'on serait prêt à faire probablement qu'eux autres au Québec, tu sais? Ouais. Mais je suis pas sûr qu'on aide la cause avec les images que le Parti conservateur du Québec fait circuler sur Internet. Ils sont malhabiles. Vous êtes malhabiles, oui. Les boys. Je sais qu'ils sont à l'écoute de choix, là. Uh-huh. Vous êtes malhabiles un peu. Allez, vous allez être obligés d'y aller un petit peu plus subtil si vous voulez faire passer vos idées, là. Puis, c'est Luc Harvey qui est à la tête de ça, le Parti conservateur du Québec. Ouais, ouais. Moi, ce que je recommande à Luc Harvey, en toute cordialité, c'est de prendre un ou deux pas de recul, de se bâtir une équipe crédible, de trouver des gens sérieux. Parce que la marque de commerce du Parti conservateur, je pense qu'elle mérite d'être exploitée. Mais vous êtes mal parti, là. Tu sais, Luc Harvey a une crédibilité à bâtir, je pense. Je pense que Jeff Plante, un gars qui semble traîner des chicanes partout ce qui va, c'était un problème. Il est encore là, lui? Ouais, mais tu sais, ça a mal parti, là. Ouais. Il était là un bout, ça a fait de la chicane. Mais puis, une chose est sûre, c'est que vous êtes en train de scraper la marque Parti conservateur au Québec. Là. Je vous le dis, les gars, là, regarde, vous êtes en train de scraper ça. Tu sais? Devrait-on enlever le droit de vote aux assistés sociaux aptes au travail? Non, je pense pas. Moi, j'embarquerai pas là-dedans. Ouais, ça, des fois. J'embarquerai pas là-dedans. Je leur enlèverai la boisson, je leur enlèverai la loterie avec un système de coupons. C'est ça. Mais non, le droit de vote, c'est pour tout le monde. Ouais, je pense que oui. Là. Oui. Ça reste des citoyens, là, on s'entend. Là. Oui. Puis moi, je vous le redis, un assisté social, c'est quelqu'un qui se retrouve dans le trouble à un moment de sa vie, qui reçoit des chèques d'aide sociale et qui veut et qui va s'en sortir. Mm-hmm. Un BS, c'est un gars qui a abandonné, ça fait 10 ans qu'il est là-dessus, puis il se cherche plus d'emploi, puis il fait plus grand-chose. Ouais. Et c'est ça qu'il faut enlever au Québec, parce que c'est de notre faute. Je sais qu'on a tout le goût de crier contre un BS. Puis là, vous nous écrivez là depuis quelques minutes, puis vous nous racontez des histoires de BS. Une dame qui était en maternité cet été, qui nous dit « J'ai vu mon voisin qui est sur le BS se promener en bédaine tout l'été, il a pas cherché fort du travail. » Qu'est-ce qu'on a le goût de faire dans ce temps-là? On a le goût de se revirer, de regarder le BS, puis de commencer à crier après, alors que les responsables de ça, c'est nous autres. C'est nous autres. On a créé les BS. On entretient ce système-là. Tu l'as email de Gabriel sur le Missouri. Gabriel Grégoire? Non. Ah, OK. Il est moins péquiste un peu. On l'aime bien. Gabriel Grégoire. Mais on sait qu'il est péquiste. Le Missouri, semble-t-il, demande des tests de consommation de drogue pour l'aide sociale. Oui, depuis un an. Ils ont effectivement un programme de screening. On le fait pour nos athlètes de points. Ben oui, test pour qu'ils gagnent des médailles. Tu drogues-tu? Tu fumes-tu du pot? Oui. On te coupe ton chèque de BS. C'est bien de valeur, mais si tu potes, Ben ça va être 25$, 50$ de moins sur ton chèque. On dit que ceux qui sont testés positivement ou encore qui refusent d'être vérifiés puis échouent dans le fond tous les tests, ben ils pourraient voir leur tous les bénéfices qui se retirent du welfare, là, du BS, coupé pendant 3 ans. Parfait, ça. Il y a plein de recours pour les gens qui sont dans le trouble au Québec. Il y en a plein, des organismes qui sont spécialisés là-dedans, des représentants, des services d'aide, des services d'intervention en toxicomanie. On manque de rien au Québec quand on est dans le trouble. On a le choix des cadeaux. Mais jusqu'à quel point on peut aider quelqu'un en le payant à rien faire? Combien de temps? Moi, je pense qu'on a créé les BS. Puis au lieu de crier après les BS, puis au lieu de chialer contre les BS, ben oui. On devrait se regarder dans le miroir puis dire, hey, le problème, on l'a-tu vraiment adressé? On a-tu mis de la pression sur nos gouvernements pour l'adresser, le problème? Je pense que la réponse, c'est non, on n'a pas mis assez. Alors, c'est toujours dans le même esprit. On veut pas de chicane au Québec. Vous l'avez entendu, Charest, hier, là. On veut pas de chicane, puis on veut travailler avec tout le monde, puis on aime pas ça chicaner, puis on aime pas ça confronter, puis faut pas que ça crie trop fort, faut pas qu'un parle par-dessus l'autre. Ouais. C'est dans le même esprit, là. C'est exactement dans le même esprit, là. Il faut s'arrêter, il est 8h54.